بسم الله الرحمن الرحيم. فأمس دخلنا في الاسم الممنوع من الصرف، ذكرنا أن للصرف معنيين اختلف على معنيين، ما هما الصرف؟ كومو ايتي ديفيني؟ تنوين او الجار بالكثرة. طيب، كم علل العلل؟ كم العلل كلها؟ طيب ما هي؟ الوصفية، لا يدخل فيها الوصفية والعامل والعلمية، الجمع، جمع المنتهي، جموع والتركيب، تركيب تأنيث بالألف، تأنيث بال بالتاء والأساس، تفصيل هذا تأنيث بالتاء ولا تأنيث، تأنيث تأنيث تركيب عجمة عجمة عدل العدل العدل ووزن الفعل، ما أعرف وزن الفعل لك أعطى زيادة الفنون؟ أظن التأنيث يعني ils ont tout mis ensemble en fait. أحسنت. ما هما العلتان اللتان تقوم ما مقام من علتين وحدهما؟ Celle qui est toute seule en valde. التأنيث بلا التأنيث بالألف. التأنيث بالألف مثل جرحى. جرحى. نعم. أشياء، علماء، أصدقاء، أغنياء، وسهراء، وحبلاء. نعم. وكذلك صغار منتهي الجموع مثل مساجد. مساجد. طيب، أمس وقفنا في الخامسة، الآن سنكمل الباقية. ثم قال العلة السادسة السيزيام. وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير وه، ك باع لبك وحضر موت، فلا يمنع الصرف إلا مع العلمية. التركيب سي كوم اون ديان مونتاج مزجي، يعني كما ذكر المعلق هو جعل الاسمين اسما واحدا منزلا ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، أي أن ما قبلها مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. فهمت؟ Donc c'est l'assemblage entre deux noms qui finissent par en former un seul. Et donc l'avant-dernière lettre prend le حكم d'un nom qui finirait par تاء التأنيث, c'est-à-dire il est مفتوح. Et la dernière lettre, elle, du montage du tarkib, تأخذ علامة الإعراب. قال غير مختوم بوي الذي ينتهى بوي، هذا من أسماء الصوت، يسمى أسماء الصوت، يكون مبنيا، يكون مبنيا مثل سيباوي مثلا. طيب مثلا بعلبك، بعلبك اصلا مركب دو دو نوم كي بعل سي ان نوم دو صنم نيدل، اي بكا سي اسم صاحب البلده، دونك لي دو انصامبل سا في بعلبك كي لو نوم دان ليو في الشام، اسم مكان في الشام. و حضرموت، حضرموت مركب من حضر طيب وموت، هذا اسم مكان في اليمن، في السود دو اليمن. وهذا إذا كان عالمية سنمخب يكون ممنوع من الصرف. العلة السابعة. وأما الألف والنون الزايدتان فيمنعان من الصرف مع العالمية، كعمران وعثمان، ومع الصفة كسكران. فهمت؟ الذي يزد في آخره ألف ونون il devient Mamoum et Sarf lorsque c'est Alamiya ou Sifa comme Sokran. Et il y a une différence entre les deux qui va être citée, Inch'Allah. Fan Anta, Ismouk, Mamoum et Sarf. Mathalan. العلة الثامنة وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من وضع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق عجمة تسكن نعب عجمة تسكن نعب تسكن نعب على باز إذا كان عالمية كان ممنوع من الصرف وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة Tous les noms des NBA sont Arjami, sauf quatre. Mohamed, Saleh, Shu'aib, Wahoud. Elle dit Arba'a, Ya Arabiya. Lakin Sitta, Ya Munsarifa. Il y en a six qui sont Munsarifa. Ces quatre-là, Zaid, Nuh, Walut. Lima, Zaza, Karnaf, l'Awel, Iza, Kana, Thulathiyan, Sakin, Al-Wasat. Et c'est un nom de trois lettres pour la lettre du milieu et Sakin Yajouz et Yansarif Mith Lot Wanour. Donc ces six là, on va dire six noms des NBA sont Monsarifa. Et parmi ces six, quatre sont des noms arabes. Quatre sont des noms arabes. قال ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية ولذلك صرف لجام ونحوه. Donc il faut que parmi les conditions que ce nom non arabe à la base même chez les non arabes soit un nom propre. مثلا il dit لجام c'est un nom arjami لجام. Mais il est Monsalif. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce n'est pas nom propre chez les non-arabes. Les djem, c'est le mort, c'est dans la bouche du cheval. Mathalen, Raden, je ne sais pas moi, un non-arabe qu'ils utilisent chez les arabes aujourd'hui, ils prennent le mot anglais pour dire un ordinateur. À la base, on dit Hasoub. Mais ils disent ici computer. Ils le prennent, ils ont écrit le mot anglais. Il ne va pas être Mamoum Nassaf. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce n'est pas nom propre chez les anglais. Maintenant, tu prends un nom propre chez les non-arabes et tu l'arabises, tu l'emploies en arabe, il va devenir Mamnoum Nassaf. Masalan, Ism Rijal, quelqu'un tu l'appelles Madri, Arnaud ou John ou Antoine. Si les arabes l'utilisent et l'écrivent, ils vont le rendre Mamnoum Nassaf. Hatta Asmal Amakin, Asmal Amakin, le nom de Dieu. وأن يكون زائدا على ثلاثة على ثلاثة ولذلك صرف نوح ولوط. Il faut qu'il ait de plus de trois lettres. Il faut qu'il ait plus de trois lettres. C'est pour cela que Nuh et Lot ont été rendus Munsarif. Et aussi qu'il faut qu'il soit, on avait dit, Sakin al-Wasat. ثم قال العلة التاسعة نفيم علة وأما الصفة هي الصفة وصف فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء يدفيم ممن الصرف هي اللي ملانجي à trois des autres علل qu'on a cité مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث هذا ممن الصرف مع الألف والنون بشرط أن يكون الصفة على وزن فعلان أي بفتح الفاء فكل فاء تسمو يسوى مفتوح d'accord مثلا عريان كي veut dire nu عريان لا يمنع من الصرف لماذا لأن فاءه مضموم le fait de la kalima c'est-à-dire première lettre de kalima il est مضموم et non pas مفتوح فهمت هذا اسم مؤنث عريانة parmi les chouloutes, il y a يكون مؤنثه على وزن فعلانه. Donc, شرط أن يكون فاء هذه الكلمة مفتوحا ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. La dernière fois, on avait dit que ce qui vient à la waz, fa'alan, c'est mu'annath, pas fa'alana. Mais des fois, ça peut l'être, en fait. Parfois, ça peut l'être. Mais là-bas, c'est que ça ne l'est pas. Exemple, sakran. Sakran, il est ma'lum le sarf. Yastawfi fi shurut. Awalad fa'uhu, maftouh, le sin, il est maftouh. Wa kadhalik, mu'annathuhu, sakra. Et c'est pas sakrana. وقد وجد في قبيلة اسمها بنو أسد أنهم يقولون سكرانة. الانتخبو شكي لجي تنتوني سكرانة. لكن قال الصاحب الكواكب هذا قبيح. تمام سألا قبيح. سبن باللونج. إلى باز سكسر سجيبا. Par contre, لا يشترط ذلك في العلامية que il soit مفتوح الفاء. Ça c'est juste dans le وصف. أما في العلامية c'est pas un short. Tu peux dire Imran كسرة في العين صوفيان ضمة سين تمام وعدنان فتحة. لا c'est pas conditionné. هذا شرط فقط يكون في الوصف. قال نحو ندمان منصرف. ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانة إن كان من منادمة. Donc là, pas confondre entre منادمة et الندم. منادمة c'est quoi? كما ذكر في القاموس, c'est le fait de s'asseoir avec quelqu'un pour boire. أما الندم c'est le regret. تمام؟ فالمنادمة c'est pas le sens de ندم. Si tu dis ندمان dans le sens que c'est quelqu'un qui regrette, il va être ممنوع صرف. Mais tu dis ندمان dans le sens de منادمة, هذا معنى آخر. هذا معنى آخر. قال donc là on a dit الوصفية يكون مع العدل مع الف والنون ثم قال ومع وزن الفعل. وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعال وأن لا يكون مؤنثه بالتاء. D'accord, faut qu'il soit sur le وزن أفعال comme استفضيل et qu'il n'y ait pas de تاء dans son مؤنث. نحو أحمر. ما هو مؤنث أحمر؟ حمراء. D'accord, حمراء. Et حمراء, donc أحمر, il va être ممنوع صرف. Pour quelle raison? وزن الفعل و وصف. وزن الفعل والوصف. تمام. اما حمراء pourquoi va être ممنوع صرف صوت فيمينا؟ ما هو السبب؟ ما هو العله؟ Là, tu as les deux, ils sont mamnou sarf. Alif et ta'nith. Par contre, un exemple, armil. Armil, munsarif. Lienna, mounathaou, armila. Armila, c'est une veuve. Mais là, armil, c'est pas ism tawdil. Armel, afouen, c'est pas ism tawdil. Contrairement à Akbar. قال ويجوز صرف غير منصرف لمناسب كقراءة نافع سلاسيل. طيب سلاسيل سلاسيل سورة الإنسان على بعض سلاسيل صيغة متعلقة بالجموع. لا il a été mis il a été منصرف. Pourquoi? Pour que ça corresponde aux autres versets précédents. وقوارير قوارير كذلك سورة الإنسان على بعض قوارير c'est Sira Montel Jumour. Et qui n'a pas tenu à la fin. Hada qala li darurat ash-shi'r. ce qu'on appelle un besoin dans la poésie, pour que ça puisse coordonner dans le wazn et dans la rime. وكذلك يشترط ذكرنا أن لا يكون معرفا بأل ولا مضافا. S'il y a elle qui rentre, il va venir munsarif. Tu vas dire ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب, donc la masajidi, il y a elle qui est rentrée. La qadir kharakadna l'insan fi ahsani taqwim. Ahsan, là, il va être munsarif. Limaza, c'est le mudof à taqwim. Maintenant, on va faire le khurasa. L'ordre. On a dit qu'il y a 9 ilal. Maintenant, ces ilal-là, ils ont besoin d'être classés pour comprendre la chose. Parmi ces 9, 2, à elles toutes seules, suffisent à rendre le ism al-munsarif. Quelles sont-elles? Si remontent-elles le jumour, masajid. Ou alif ta'nif. Tamam? Lakin attention, alif ta'nif, le ta'nif, il se divise. C'est pas tout ta'nif qui va dans ce casme-là. Donc on dit que c'est nis-nis. Il y a une partie de ce ta'nif-là qui va dans la illa, qui est toute seule, suffit toute seule. Et le reste, tu mélanges avec les autres. Donc là maintenant, on dit allez, khalas. On dit, si remonte le jumeau, on le met à part. Il est tout seul. Il en reste combien de hilal? 8. Quand même, sur ces 8-là, 2 sont fondamentales. Tu es obligé de les trouver. Et les autres viennent en dessous. Ces 2-là sont quoi? Al-alamiya ou al-wasfiya. D'accord? Ça ne peut venir que soit dans les hilal qui restent, soit ça va être avec l'alamiya ou soit avec l'wasfiya. Donc maintenant, il en reste combien de hilal? Il en reste 6. 6. 6 de ces hilal, si elles sont avec le alamiya, le ism, il va être mamnou al-sarf. Et 3 d'entre elles seulement, si elles sont avec le wasf, elles vont être mamnou al-sarf. Donc maintenant, on récapitule. On a alamiya wasfiya. D'accord? Al-alamiya, si le ta'nis vient avec, c'est un nom féminin alamiya. Il va être mamnou al-sarf. Ces deux-là se mélangent, les deux illa, mamnou al-sarf. Le adl, à la wasfoua, il est comme Omar, avec alamiya, c'est un nom propre, mamnou al-sarf. Wazn al-fi'l, un nom qui vient sur la forme d'un verbe, comme Yashkour, comme Ahmed, si jamais c'est un nom propre, il va être mamnou al-sarf. Al-ujma, un nom non-arabe, d'accord, si c'est un nom propre, et qu'il est non-arabe, il va être mamnou al-sarf. Tarkib majdi, l'assemblage entre deux noms. Si jamais cet assemblage est attribué à un nom propre, il va être mamnou al-sarf. Et il reste quoi? Ziyarat alif wa noun. Si c'est un nom, on rajoute alif wa noun à la fin, et que c'est un nom propre, comme Othman, ka Imran, ka Sofiane, et Zalika, il va être mamnou al-sarf. Alors les 6, elles rentrent toutes dans l'alamiya. Par contre, Wasfiya, il n'y en a que 3. Pas toutes. 3. Qui sont Wazn al-fi'l, quand même, et que son moins 9 ne soit pas avec un thème arbouta. Comme Ahmar, ou Akbar, ou Ahsan, Ajmel. D'accord? On a dit Kazalik, Ziyarat, Andif, Nun. Quand c'est une description, comme Soukran, le fait d'être ivre, Rajouan, avoir faim, Rachan, avoir soif, Rodben, être en colère. Et la troisième, Al-Adl. Comme Mathna, Wathulath, Waroba'a. Quand c'est un descriptif, qui est un adl, il est mamnou al-sarf. Donc là, les 9, elles sont là. Mais c'est pas, maintenant, tu vas pas trouver, maintenant, demain, la tajid, tarkib majdi, avec wasf. Il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. Ou tu vas pas trouver, maintenant, al-ujma, avec quoi? Si tu trouves al-ujma, avec wazn al-fi'l, il n'y a pas. Dans le sens où ce n'est pas des ilal asasiyah. La urjma, ce n'est pas une illa fondamentale. Et le wazn al-fi'l non plus. Les deux fondamentales, c'est quoi? C'est alamiya, nom propre, et wazn descriptif. Et en dessous de ces deux-là, si on met l'une des 6, avec l'une d'entre elles, Et des fois, tu vas avoir plusieurs hilal dans un même nom. La salade Mariam, c'est un nom féminin. C'est un nom arjami. C'est un nom propre. On a trois hilal dedans. T'as Suleiman, t'as Alifonoun à la fin. C'est un nom arjami. D'accord ? Et c'est un nom propre. T'as trois hilal dedans. Tu peux avoir plusieurs hilal dans un même nom. S'il faut que deux soient là, ça suffit. Et celle qui suffit une seule, c'est Sirat Muntahil Jumu' et Alif Ta'nith fi Akhirih. Maintenant, c'est sûr que Man Lam Yafham, retourner au tableau dans le Mumti'a, il est wadih. À l'audio, comme ça, ça peut paraître un peu difficile. Ceux qui voient le schéma fait dans le Mumti'a, Inch'Allah, Yurakiz ala hada, Yafham. Tamam? Fa'ilahuna, walhamdulillah, Rabbil Alamin.